Elle. Sourire ravageur, tanné par le mensonge, dont la bouche, cœur luisant, n'est que le fourreau d'une dague ornée, d'or, mais brisée par l'attente d'expériences inconnues. Elle n'a jamais su l'amour, elle n'en a jamais senti le pouls. Elle est seule, elle est de love, elle est la veuve. What's up with you?